Il est 9h moins 5, dernière page du 6-9 de l'été, les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet, et une immense question aujourd'hui, la vie existe-t-elle ailleurs que sur Terre ? 4, 3, 2, 1, lift off. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Depuis des millénaires, nous nous posons la question sans avoir aucune réponse. Mais ces dernières décennies, grâce aux progrès conjugués de l'astrophysique, de la planétologie et de la biologie, les chercheurs commencent à beaucoup mieux cerner le problème. Des expériences en laboratoire ont mis en évidence certaines combinaisons d'éléments chimiques et de molécules à la base du vivant. Les radiotélescopes ont également révélé que les matériaux nécessaires à la vie abondent partout dans la galaxie. Les lieux les plus propices pour héberger une éventuelle vie extraterrestre sont les surfaces de planètes plus ou moins semblables à la Terre et gravitant autour d'étoiles comparables à notre Soleil. Les premières planètes extrasolaires, dites aussi exoplanètes, ont été détectées dans les années 1990. Depuis, leur liste ne cesse de s'allonger. Lancé en 2009, le télescope spatial Kepler de la NASA est spécialement conçu pour détecter les exoplanètes. Il a confirmé que la majorité des étoiles disposent d'au moins une planète et mis en évidence la forte proportion des astres de taille comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune. Selon les dernières estimations, il existerait entre 100 et 1000 milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Et parmi elles, au moins une sur cinq serait une exotère, pouvant héberger une vie comparable à celle qui existe, en particulier lorsqu'elle gravite dans la zone habitable de leur étoile, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour qu'une atmosphère et de l'eau à l'état liquide puissent subsister. Quant à l'univers dans son ensemble, il contient 1000 milliards de galaxies. Alors, au vu de ces chiffres astronomiques, on serait prêt à parier que nous ne sommes pas seuls dans ce vaste cirque. Après tout, la vie est apparue très rapidement ici-bas, il y a 3,8 milliards d'années, quand la Terre était encore chaude et boursouflée de sa naissance tumultueuse. Ceci porte à croire que la bactérie fait son nid dès qu'elle en a la possibilité. Puisqu'il y a beaucoup d'autres planètes dans l'univers et beaucoup de molécules prébiotiques en circulation dans l'espace, on ne voit pas pourquoi la vie n'aurait pas colonisé tous les endroits propices. Ah, c'est ce que soutiennent le bon sens et la plupart des astrophysiciens. Mais pour autant, la preuve n'est pas faite. On ignore toujours comment se produit le saut de la chimie à la biologie. Il ne suffit pas d'avoir des acides aminés et d'autres protéines macérant dans le même chaudron pour fabriquer un être vivant. Il n'est donc pas certain que même s'il existe dans l'univers des milliards d'exotères contenant de l'eau liquide, du carbone et toutes les épices nécessaires, la vie soit apparue automatiquement. C'est seulement très probable. Il n'est pas certain non plus que si la vie se développe sur une planète, elle évolue et débouche nécessairement sur la conscience. On aurait pu en rester au stade des bactéries. On y est d'ailleurs resté pendant très longtemps. Des vaisseaux extraterrestres auraient pu passer au voisinage de la Terre pendant 3 milliards d'années et n'aient rien remarqué que des volcans, des déserts et de l'eau. Et s'il se trouvait aujourd'hui, par exemple, 100 planètes dans notre voisinage cosmique qui ont fourni des conditions propices à la vie, il y aurait de bonnes chances que, pour 99 d'entre elles, la vie ne se montre pas très élaborée. D'où la difficulté qu'il y aurait à la détecter sans même parler d'entrer en communication. Les agences spatiales ont dans leur carton des projets de télescopes en orbite capables de détecter et d'analyser l'atmosphère entourant une planète extrasolaire. Si on venait observer d'importantes quantités d'oxygène libre dans l'atmosphère d'une exotère, on aurait là un indice important de la présence de vie. Mais cette vie pourrait n'être que végétale. Par contre, la présence d'autres gaz biomarqueurs comme le méthane et le dioxyde de carbone pourrait laisser supposer la présence d'animaux et qui sait peut-être même d'une civilisation aussi polluante que la nôtre. Demain, je vous parlerai de trous noirs. Là, au moins, nous sommes certains qu'il ne peut pas y avoir d'habitants. Chronique de l'espace, Jean-Pierre Luminet, réalisation Christophe Humbert. Vous écoutez France Inter, bravo. Il est 9h15.